Vous rougissez facilement ? Oui, je rougis facilement. Vous grossissez en hiver ? Oui, je grossis en hiver. Vous maigrissez en été ? Oui, je maigris en été. Vous applaudissez à la fin d'un spectacle ? Oui, j'applaudis à la fin d'un spectacle. Vous ralentissez au feu orange ? Oui, je ralentis au feu orange.